Le seul indice qui me permet d'affirmer que j'approche d'un passage à niveau est cette balise. Elle comporte deux barres rouges pour attirer mon attention sur le danger représenté par un passage à niveau. J'ai d'abord rencontré ce panneau qui lui aussi comporte des barres rouges, mais au nombre de trois, et au plus près du passage, je rencontrerai cette dernière balise qui ne comporte qu'une seule barre rouge. Je ralentis, les barrières peuvent être abaissées. Réponse A.